jolie Sarah. Combien de temps encore? Oh, oh, oh. Jolie Sarah. Attendrai-je ton corps si tu crois que je vais dépenser mes nuits blanches? Si tu crois que je suis un oiseau sur ta branche? Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Tous victimes du temps, mais je n'ai